Et Caroline Diamant, à demain. C'est le grand quiz de Noël sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Comment attaquer cette émission ce matin autrement que par un joyeux Noël ? Joyeux Noël à tous, joyeux Noël à la France, joyeux Noël à Bruno, oui, joyeux Noël, Noël à vous. À tous les auditeurs, toutes les auditrices d'RTL, aux enfants, aux familles qui sont en train de nous écouter ce matin. Musique de Noël, allez hop ! Alors, la question que j'ai envie de vous poser tout de suite, Caroline, c'est... Mais que le Père Noël, qu'est-ce que le Père Noël a déposé au pied de votre sapin ? Alors, le Père Noël a été très créatif et très généreux. Ouais. Il a décidé de m'offrir une parure de diamant. Mais non ! Alors, il y avait la tiare. Mais non ! Il y avait le ras de cou ou collier de chien. Ouais. Il y avait les boucles d'oreilles, le bracelet, ouais, la bague et même la ceinture. Et la ceinture a coûté très cher. Une ceinture en diamant ? Bien sûr. Si d'aventure, le Père Noël n'est pas encore passé chez vous, sachez qu'il est déjà passé ici à RTL, ce qui va nous permettre de vous offrir un cadeau ce matin dont vous allez nous donner des nouvelles. Êtes-vous plutôt princesse ou pirate ? Vous choisirez votre camp lors du festival Pirates et Princesses du 19 janvier au 17 mars 2019 à Disneyland Paris. Lors de cette célébration interactive, profitez d'un incroyable concentré de royauté, d'aventures et de personnages Disney. RTL vous invite à choisir entre contes de fées enchantées ou aventures de pirates. Épée ou couronne, boulet de canon ou robe de bal, vivez une expérience féerique à Disneyland Paris. Vous allez passer deux jours de rêve avec des entrées illimitées pour les deux parcs, Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Vous serez logé pour une nuit à l'hôtel Sequoia Lodge en pension complète. Isabelle s'y voit déjà. Bonjour Isabelle. Bonjour à tous les deux. Bonjour Isabelle, Noël. Bienvenue sur RTL. Joyeux Noël à vous, ça va, vous n'avez pas trop chargé hier soir ? Ah ben, un petit peu, c'est un peu difficile, oui, ça... mais bon, je me réveille avec vous, donc ça va, c'est sympathique. La petite boisson gazeuse du réveil le 25 décembre, qui n'est pas forcément du champagne. Ah oui, d'accord, vous buvez du Perrier donc. C'est ça. Ah mais c'est une marque, ça. Donc de la San Pellegrino, oui, et de la Badoit. Et voilà. De la Badoit, ça marche. Voilà. Allez, et les trois mélangés, c'est délicieux. Isabelle, vous connaissez la règle du grand quiz de Noël, si vous nous avez suivi cet été, c'est la même chose. À quelques exceptions près, la première... Non, parce que l'été, c'est le grand quiz de l'été. Oui, j'ai bien compris. Et là, c'est le grand quiz de Noël. J'ai bien compris. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, l'exception dont je voulais vous parler, c'est que si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée aux questions que nous allons vous poser ce matin, vous aurez la possibilité de choisir une des enveloppes de notre Mère Noël, la Mère Noël incarnée par Caroline Diamant. Et dans ces enveloppes, il y a des cadeaux tels que MacBook, iPhone, iPad, téléviseur 4K ou encore PlayStation, Sony. D'accord, chère Isabelle ? Il faut déjà y arriver. Hein. Il faut déjà y arriver. Le but étant de donner un maximum de bonnes réponses pour gagner, à l'issue de cette première demi-heure, le séjour à Disneyland Paris. Est-ce que vous êtes prête ? Je vous écoute. Eh bien, vous savez quoi ? Vous allez surtout écouter Caroline qui va vous poser les questions. On y va maintenant. On y va. Comment appelle-t-on les assistants qui aident le Père Noël à fabriquer les cadeaux ? Les elfes. Quel acteur a réalisé la comédie Le Grand Bain, sortie récemment ? Lelouch. Quel nom spécifique donne-t-on au museau du cochon ? Le groin. Quelle graine recouvre traditionnellement le nougat chinois ? Je passe. Quel instrument sert aux sous-mariniers pour voir en surface ? Je passe. Quel humoriste demande au Père Noël de lui apporter Adriana Carambeu en cadeau dans un de ses sketchs ? Danny Boone. En décoration, comment appelle-t-on un vase en verre qui abrite une bougie ? Un photophore. Quel est le nom du personnage joué par Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes ? Jack Sparrow. Quelle sonnerie de cloche répétée et prolongée sert à donner l'alarme dans les villes ? Je passe. Quelle était la profession de Robert Doisneau ? Photographe. Dans quelle comédie musicale de 1998 peut-on entendre la chanson Belle ? Je passe. Oh, je ne connais que ça. Je ne connais que ça. Regardez, oui. vous m'avez déjà... Notre-Dame voilà. de Paris. J'allais dire, vous m'avez déjà vu à la télé, Isabelle. Voilà, Quasimodo, ça vous parle quand même. Ah bah oui. Non. Et elle dit oui. Moi, je m'attendais à ce qu'elle dise, oh non, franchement, vous êtes beaucoup plus beau que Quasimodo. Elle me dit oui. Non, mais je m'en veux, mais c'est vrai que c'est difficile. Vraiment. Et le stress. En ce jour de Noël. Ouais, c'est ça, mais vous êtes un prince charmant, oui. Comme on en trouve à Disney. Évidemment. Et en plus, vous avez la décence de ne pas porter des collants moulants. C'est et moi, je vous dis oui. Merci. Ah, et vous savez quoi? L'esprit de Noël, vous allez l'avoir jusqu'à 11h ce matin. Et il va bien le recevoir sur la joue droite, là, comme ça. Paf! Bon, Isabelle, combien de bonnes réponses? Oui. On va revenir sur vos réponses, si vous le voulez bien, juste après ça. Et de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne matinée sur RTL. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues. Boit-on du vin depuis toujours? Peut-on en fabriquer partout dans le monde? Et saviez-vous que dans sa prime jeunesse, Mickey était un lapin? On vous raconte tout sur le vin, mais aussi les secrets de Mickey. C'est tout à l'heure, c'est à 14h et c'est sur RTL. Leclerc. Chérie, pour le réveillon, ça t'aide si je te dis qu'il y a 50% de tickets Leclerc sur le Gewürztraminer Wolf Berger? Super, ça ira très bien avec le foie gras. Vendu. Chez Leclerc, nous défendons aussi vos comptes de Noël. Du 18 au 31 décembre, la bouteille de vin blanc AOC Gewürztraminer 2016 Wolf Berger est à 5,95€, soit 7,93€ le litre, avec en plus 50% de tickets Leclerc. Voir modalité sur www.e.leclerc. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Du ticket Leclerc sur du Gewürztraminer? Voilà, chez Leclerc. Chers voyageurs, on approche tous ensemble de Noël et on se faufile dans la vallée des forfaits mobiles. Couvrez-vous, hein ! Ici, les prix descendent à 0€. Ah oui, 0€, c'est la magie de Noël. Et ça fait surtout chaud au cœur. Oui, oui. À Noël chez SFR, il gèle sur les prix. Jusqu'au 7 janvier, le forfait starter est à 0€ par mois, puis 4€. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions, réservée aux nouvelles souscriptions. Prix client box, engagement 12 mois. Le grand quiz de Noël sur RTL. Isabelle. Oui. Vous êtes fan de David Bowie? Eh ouais, le seul et l'unique. Eh oui. Comment il va? Bah, pas très bien. Oh, c'est pas gentil, ça. Non. C'est Caroline. C'est l'esprit de Noël, hein, je vous le disais tout à l'heure. Voilà, l'esprit de Noël. Vous savez que quand on nous a convoqués il y a quelques semaines à RTL pour nous dire est-ce que vous voulez faire le grand quiz de Noël, j'ai dit vous êtes sûr pour l'esprit de Noël? Oh, on peut faire de l'humour. Mais bien le sûr, jour de Noël. Évidemment. Voilà. Si on en faisait pas, on aurait un petit peu les boules comme le sapin. Ouais. Isabelle, on revient si vous le voulez bien sur vos différentes réponses. Alors, pour les assistants qui aident le Père Noël à fabriquer les cadeaux. Je ne vous cache pas que nous attendions les lutins. Exactement. Mmh. Je ne vous cache pas non plus que la mère Fourat, qui est à côté de moi, a tout de suite fait signe en faisant non. Mais, esprit de Noël faisant, moi je dis oui. Je vous accepte les elfes. Et c'est comme ça la mère Fourat. Et oui, tout à fait. Merci la mère Fourat. Je dis la vérité, la mère Fourat acceptait les elfes aussi. Donc, nous vous acceptons, vos elfes, même si nous attendions les lutins, je vous le disais. Quel acteur a réalisé la comédie Le Grand Bain, sortie récemment? Il s'agit de Gilles Lellouche. C'est une bonne réponse, même si vous avez dit que Lellouche, et alors si je dois vraiment vous donner les coulisses de l'émission, il y a Caroline qui disait oui, mais enfin, ça aurait pu être Claude. Non, je sais que vous pensez Gilles. Oh, Caroline. Mais oui, mais ou le frère de Gilles, Philippe. Oui, bien sûr. Bah oui. Ou alors le moins connu, Stéphane Lellouche également. Bah voilà. Mohamed Lellouche, enfin tous les Lellouches. Je tatillonne, vous savez. Quelles graines recouvrent traditionnellement le nougat chinois? Ce sont les graines de sésame, vous avez passé. Quel instrument sert au sous-marinier pour voir en surface? Vous avez passé, alors que je suis sûr que vous l'aviez, le périscope. C'est le sémaphore. Non, c'est le périscope. Le périscope. Ah, c'est le périscope. Non, pas de regret. Danny Boone n'a pas demandé au Père Noël de lui apporter Adriana Carambeau en cadeau dans un de ses sketchs, même si j'en suis sûr, il l'aurait apprécié aussi, le cadeau. Non, c'est Jamel. Cher petit papa Noël, au début, j'ai mis cher. Je savais pas trop combien tu prenais à la base. Après, j'ai dit, c'est pas grave, c'est bon. Si tu pouvais faire en sorte que Adriana Carambeau elle va venir chez moi. Comme ça, moi et mes trois frères. Et on a tous en mémoire cette scène. C'était au César, je crois, où il s'était retrouvé face à face avec Adriana Carambeu. Et la différence de taille faisait que le regard de Jamel n'était pas du tout cadré sur les yeux de la belle et douce Adriana. Le photo fort, c'est bon. Oui, Johnny Depp joue Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Pour la sonnerie de cloche répétée et prolongée qui sert à donner l'alarme dans les villes, il s'agissait du tocsin. Alors, vais-je vous sonner les cloches, chère Isabelle? Vous avez totalisé 6 bonnes réponses. Six bonnes réponses. Ah mais le groin, c'était bon. Oui, non, mais le groin, on vous l'a pris. Non, non, on vous l'a pris, on vous l'a compté. Ah oui, non, non, vous en faites pas, vous en faites pas. Six bonnes réponses. On vous a pris le groin. En radio. Le 25 décembre. Six bonnes réponses, Isabelle. Est-ce que ce sera suffisant pour le séjour à Disneyland Paris? Rendez-vous tout à l'heure, juste avant 10h. D'accord? Merci beaucoup. Mais pour l'instant, on vous envoie des bisous et on vous envoie une montre RTL. Merci. À tout à l'heure, peut-être, on vous embrasse. Au revoir. Ok. À la bonne heure, Stéphane Bern sur RTL. C'est Noël dans À la bonne heure, nous avons réuni tous les chroniqueurs de l'émission. Des jeux, des objets, de la généalogie, des chroniques, un pop quiz, des cadeaux. Bref, c'est jour de fête dans À la bonne heure. Et à la bonne heure, c'est 11h sur RTL. À tout à l'heure. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne matinée sur RTL. Caroline Diamant, Bruno Guillon, c'est le grand quiz de Noël sur RTL. Un Noël qu'on vous souhaite joyeux, qu'on vous souhaite magnifique, qu'on vous souhaite rempli de cadeaux, que vous soyez en famille. Je voudrais également avoir une pensée pour ceux qui sont seuls le jour de Noël. Exactement. Et c'est aussi pour ça qu'on a plaisir d'être avec vous ce matin avec Caroline pour vous accompagner, comme vous serez accompagné tout au long de cette journée sur l'antenne d'RTL. Bon, deuxième personne à côté du sapin RTL, Christophe, qui nous rejoint. Bonjour Christophe. Bonjour. Salut Bruno, salut Caro. Salut Bruno. Non, bah non, non, bah c'est non, moi ça. Bruno, c'est... Ouais, non, c'est moi c'est... là. Ça, de toute façon, un lendemain de réveillon, il était évident qu'à un moment. Elle est bourrée. Ah ben... Alors, bah c'est oui, pas mais... le mot que j'aurais employé, mais. Non, non, excusez-moi, c'est salut cri-cri, parce que vous vous appelez Christophe. Cri-cri d'amour, ouais, c'est ça. Cri-cri d'amour. Ouais. Vous habitez à Aubagne, dans les Bouches du Rhône. Vous aimez bien Mylène Farmer et moi j'ai envie de vous faire plaisir parce que c'est Noël et Bruno aussi. Alors on va vous faire écouter un petit peu de Mylène Farmer. Ah oui, je suis un garçon. Un autre petit ou pas? C'est un bon titre pour moi. Je suis si fragile. François Touchard qui réalise cette émission, un autre petit Mylène Farmer. Ah, on remonte un peu dans le temps quand même. Moi, une de mes préférées de Mylène Farmer, Christophe, voilà, je vous le dis, on peut se faire des petites confidences, après tout, c'est le jour de Noël, c'est celle-ci. Ah. Oui, et c'est important de le dire le jour de Noël. Oui. Ouais, moi, j'aime bien celle que François Touchard nous a présentée. Oui, vous aimez le côté catin, je préfère le côté amour. C'est là toute notre différence. Joyeux Noël. Christophe. Oui, gentil. Je vous pose des questions. Vous avez entendu Isabelle tout à l'heure, elle a totalisé 6 bonnes réponses. Ça veut dire que pour être dans la course d'ici un gros quart d'heure là, pour gagner le séjour à Disneyland Paris, eh bien, il faut avoir vous aussi au moins 6 bonnes réponses. Allez, on y va. On y va. C'est parti. Top chrono. Quel peuple du Grand Nord porte le nom d'un bâtonnet glacé? Les Esquimaux. Comment s'appelle le personnage qui menace les enfants qui ne sont pas sages à Noël? Le Père Fouettard. Quelle princesse Disney chante « Un jour, mon prince viendra » Cendrillon. En cas de doute, avec le jus de quel agrume vérifie-t-on qu'une huître est bien vivante? Le citron. Quelle couleur associe-t-on à la carte de résident permanent aux États-Unis? Verte. Quel mois de l'année n'a qu'une voyelle? C'est une bonne question. Mm-hmm. Mars. Dans quel film de 2010 François Cluzet invite-t-il ses amis dans sa maison du Cap Ferret? Les petits mouchoirs. Comment appelle-t-on une fine tranche de veau roulée et ficelée autour d'une farce? Paupiette. Quelle chanteuse a interprété les titres Umbrella et Man Down? Rihanna. Quel métier consiste à réparer la paille de l'assise des chaises? Empailleur. Voilà. Pardon? Oui. Ah, il a dit empailleur, me dit il la mère pour un. Oui, alors que c'est rempailleur, il nous manquait le R, donc vous vous doutez bien. La mère Foura ne manque pas d'air, ça je peux vous le dire. On va revenir sur vos réponses. C'est un peu ça. Oui. C'est un petit peu notre mère fouettarde à nous. On va revenir sur vos réponses, Christophe, avec Caroline. Allez, c'est parti. La princesse Disney qui chante Un jour mon prince viendra. Vous m'avez proposé Cendrillon, mais c'est Blanche-Neige. Un jour mon prince viendra. La question que la Terre entière se pose, et à quelques jours de cette fin d'année, Caroline, est-ce que votre prince est venu, là, en 2018 ? Il est venu en 1900, début des années 20. D'accord. Il est reparti en 22, et après j'ai été réincarné, d'accord. Et je suis arrivé en princesse, et voilà, et pour l'instant je suis plutôt du côté la belle au bois dormant. Très bien. Non mais je vous conseille, cela dit, puisqu'on parle de Blanche-Neige et de cette chanson magnifique, de la reprise d'Imani en anglais, One Day My Prince Will Come, qui est une merveille absolue sur ce titre. Très voilà. Bien. Après, vous avez enchaîné pas mal de bonnes réponses. Le citron, verte, Mars et les petits mouchoirs. Oui, c'est François Cluzet qui invite ses amis dans sa maison du Cap Ferret dans un film de Guillaume Canet. Exactement. Dis donc, tu veux que je t'aide? Ça te dérange pas de prendre mes enfants pour des cons? Tu te fous de ma gueule? Tu crois que je t'ai pas vu, petit tricheur de mes deux? Les règles, c'est 1, 2, 3, soleil, et tu te retournes. Et toi, tu fais 1, 2, tu te retournes, 3 soleils. Alors arrête, hein, ça va bien les conneries maintenant. La suite, qui s'appelle Nous finirons ensemble, sortira fin mars 2019. Ouais. On a hâte, même si j'ai pas très hâte de partir en vacances avec François Cluzet. Parce qu'alors, me faire gueuler dessus pour jouer à 1, 2, 3 soleils, je Il peux mourir en vacances. Il est tellement brillant comme comédien. On adore François Cluzet. La chanteuse qui a interprété les titres Umbrella et Man Down. Oui, c'est Rihanna. Oui. C'est dommage, moi j'aurais aimé qu'on illustre les paupiettes avec la chanson des Charlots. Est-ce que François Touchard avait prévu Paulette ? Paulette ! Ah. En plus, tout le monde autour de moi dans ce studio connaît les paroles de cette chanson par cœur. Oui, mais je suis désolé, moi, jour de Noël, je suis plus dans la team Les Charlots que dans la team Rihanna. Je suis dans la team Rihanna tout le reste de l'année, vous savez. D'accord, ok. Bon, bah, très bien, chantons les paupiettes de veau. Je calcule, je fais 1 plus 2 plus 3 et ça nous amène à... 8 bonnes réponses. Christophe, c'est un très bon score. Ouais, c'est moyen, on peut faire mieux, je suppose. Mais ah, bah oui, bon, c'est faisons. Mieux qu'Isabelle. On peut faire un sans faute, mais là pour l'instant, ça vous place en tête pour le séjour à Disneyland Paris. On a encore un jeu juste avant 10h du matin, donc je vous dis peut-être rendez-vous à 10h et d'ici là, on vous offre une montre RTL. D'accord, Christophe? Ok, super. Peut-être à tout à l'heure et joyeux Noël. Joyeux Noël à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Mère Noël revient sur RTL, ne bougez pas. Bonjour, c'est Christelle Rebière. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année qui pétillent avec nous sur RTL. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? T'es chez Lidl ? Ah oui, c'est les semaines de luxe ici. Et dès demain, les 12 noix de Saint-Jacques farcies au beurre à l'ail et au persil sont à 4,99€ les 150 grammes. Moins de 5€ les 12, encore un prix à la noix ! C'est le vrai prix. Et chez Lidl, 75% des références de poissons sauvages frais et surgelés sont labellisées MSC dans sa gamme permanente. Eh ben on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 33,27€ le kilo, produit transformé en France, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Supermarché ouvert ce dimanche 30 décembre. Plus d'informations et horaires sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Parce que la foi est un trésor qui se partage. Parce que notre monde a tant besoin d'engagement, d'espérance de fraternité. Parce que l'Église ne vit que des dons de ses fidèles, merci pour votre soutien à sa mission. Faites un don sur denier.catholique.fr. Vous bénéficierez d'une déduction fiscale de 66% du montant de votre don. Le passage au prélèvement à la source ne modifie en rien le montant de cette déduction. Chez Leclerc, nos forfaits mobiles s'appellent Réglo. Et c'est Réglo sur toute la ligne. Un nouveau forfait avec appel, SMS, MMS illimité et 40 gigas d'internet à 9,95€ par mois sans engagement, c'est Réglo. Et vous avez la possibilité de faire appel à un vrai service client en magasin. Alors soyons Réglo. Mobile. Leclerc. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc et sur réglomobile.fr. Offre soumise à conditions, consultables sur le site. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL. On a tellement de choses à se dire. C'est le grand quiz de Noël. Caroline Diamant, Bruno Guillon. Sur RTL, sur RTL. Le grand quiz de Noël, oui, nous allons vous accompagner avec grand plaisir toute cette semaine de Noël avec Caroline Diamant tous les matins entre 9h30 et 11h sur l'antenne de la première Radio de France. Alors que vous ouvrez peut-être les yeux après un réveillon de Noël que j'espère qu'il a été excellent. Absolument. Vous avez mangé quoi, Caroline ? Ah, moi j'ai fait une raclette. Fameuse raclette de Noël. Oui, mais alors, je sais, je suis un peu à contre-courant. D'accord, et vous fourrez la dinde fin juin. Et d'abord, je ne fourre pas la dinde, en ce qui me concerne. Mais écoutez, je trouve qu'il fait froid, je trouve que c'est bien, et puis je trouve que c'est honnête quand on ne sait pas cuisiner, de ne pas imposer de la mauvaise nourriture. Donc, vaut mieux offrir à ses invités une bonne raclette, une mauvaise dinde fourrée. Bien sûr, mais vous savez quoi, vous avez raison. Bah voilà. Et puis, vous savez, en plus, le soir de Noël, on a tendance à s'endimancher, à mettre des jolis vêtements, des jolies robes, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un truc plus agréable que de partir de chez les gens chez qui on est invité avec cette petite odeur de raclette, hein, caractéristique, qui fait que vous vous en souviendrez toute l'année. Allez, Marlène sera la troisième candidate de ce matin. Bonjour Marlène. Bonjour. Bonjour Marlène. Oh Marlène, je vous sens toute stressée. Un petit peu, oui. Il faut pas. Ah non, c'est Noël. Marlène, c'est une journée de Noël, je peux vous dire que tout va très très bien se passer. Si vous avez besoin, moi ce que je vous rajoute, ce sont les petites clochettes de Noël, elles sont caractéristiques, et comme ça on voit, on est dans le thème. Ok. Marlène. Vous trouvez que ça détend, vous ? Je sais pas. Oui, c'est mieux. Non, mais alors pour vous détendre, je vous mets vos choix, moi, regardez. Vous êtes fan des Marvel. Imaginez-vous, oui. Super-héroïne. Wonder Woman, c'est moi. Voilà, très bien. Wonder Woman, c'est bien. Après, je vous déconseille de tourner plusieurs fois sur vous-même pour vous transformer un lendemain de dîner de Noël, mais après, c'est vous qui voyez. Vous êtes fan de Jean-Louis Aubert, musique. Où tu es, j'irai te chercher. Moi, je veux bien notre petit Jean-Louis Aubert. Je veux chanter, je veux te faire oublier ton âme en peine, ton manque de veine. Je veux chanter et te baradiner. Demain sera parfait. Marlène, je vois que vous avez deux enfants. Quel âge ont-ils ? 10 ans et 8 ans. Alors, lequel des deux a fait une remarque un peu gênante à une personne âgée ? Mon garçon de 8 ans. Qu'est-ce qu'il a fait ? Bah, alors, la personne âgée n'était pas si âgée que ça, c'était mon papa, et il lui a demandé s'il avait connu les dinosaures. Quand mon papa lui a dit non, il lui a demandé si les dinosaures étaient nés après mon papa. C'est bien, ça file la pêche. Ouais, sont formidables. C'est ça. Bon, allez, c'est sur ce petit trait d'humour, Marlène, qu'on va y aller. Parce que là, à un moment, il faut y aller. Et il faut y aller pour me donner 8 bonnes réponses, ou plutôt donner 8 bonnes réponses aux questions de Caroline. C'est le score à battre pour tenter de gagner un séjour à Disneyland Paris. Et alors en plus, si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, eh bien vous serez la première de la matinée à choisir une des enveloppes de la Mère Noël avec des gros cadeaux à l'intérieur. D'accord Marlène ? Ça sera super. Ça dépend de vous. Top chrono, c'est parti. Dans quelle région du nord de la Finlande se trouve la maison du Père Noël ? Passe. Traditionnellement, quel fromage est utilisé dans la recette de la tartiflette ? Le Reblochon. Quel est le titre de l'adaptation française du chant de Noël, Jingle Bells? Jingle Bells, les cloches sonnent. Quel nom porte le dieu hindou représenté par quatre bras? Krishna. Dans quel film de 1997 peut-on suivre les aventures d'Eddie, Serge Benamou, Patrick Abitbol et La Dove? La vérité si je mens. Sur un manège, que doit-on attraper pour bénéficier d'un tour gratuit? Le pompon. Quelle pièce de boucherie est composée de la selle et de la cuisse de l'agneau? Le gigot. De quoi ne dispose plus une personne qui souffre d'aphonie? De l'ouïe. Quel mot désigne le bijou en forme de couronne qui orne la tête des Miss France? Une car. Quels étaient les prénoms des deux compères, Laurel et Hardy? Quel jeu des... Hop, ça va s'arrêter là. C'était Stan Laurel et Oliver Hardy. Il y a un Blopic qui va sortir en mars 2019. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la bande-annonce. La composition des deux acteurs... Il paraît que c'est incroyable. ...est juste incroyable. Ils ont redonné vie à ces deux héros du début du siècle dernier. J'ai hâte de voir le film. Bon, Marlène, on va revenir, si vous le voulez bien, sur vos réponses et on va le faire juste après ça. Si quelqu'un vous propose de rochemazer, ne vous étonnez pas. Rochemazer, c'est savourer en toute simplicité des vins et des arômes issus du Pays d'Oc. On peut par exemple rochemazer sur des tapas, rochemazer en rouge sur une côte de bœuf, ou en blanc sur du fromage. Sauvignon, merlot ou encore syrah, on peut vraiment rochemazer avec toutes les saveurs. Rochemazer, des vins qui se conjuguent à toutes les saveurs. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Leclerc. Chérie, je réfléchissais au menu pour les fêtes de fin d'année. On va peut-être se faciliter la tâche. Viens voir tout ce que propose le service traiteur Leclerc. Mais ça a l'air très bon, ça. Super, à partir de là, je m'occupe de tout. L'apéritif, les entrées, les plats, les desserts. Je choisis, je commande en ligne ou en magasin et je retire dans le Leclerc de mon choix. Pour des fêtes réussies, profitez du service traiteur Leclerc en ligne ou en magasin. Commande et modalité en magasin et sur www.traiteur.leclerc. Attends, ça a l'air très très bon. Ah ok, ça aussi. Mais tu sais qu'il faut choisir quand même. Oh non. Lia et le lion blanc. Un lion blanc est né dans notre ferme. Ce Noël, vivez une amitié hors du commun entre un lion blanc et une petite fille. Charlie est mon meilleur ami. Ça reste un animal sauvage, il doit partir. Par les producteurs des Coristes et Océans. Je vais t'emmener à la réserve et tu seras libre. Lia et le lion blanc. La grande aventure familiale de Noël, demain au cinéma. Si vous voulez rochemazer et explorer de nouvelles saveurs, un conseil, les accords de rochemazer rouge avec une verrine de canard à la mangue. Rochemazer, des vins qui se conjuguent à toutes les saveurs. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. C'est le grand quiz de Noël sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Et Marlène qui a joué avec nous tout à l'heure au grand quiz de Noël. On revient, si vous le voulez bien, sur vos réponses. Quel est le titre de l'adaptation française du chant de Noël Jingle Bells? Vous avez dit une cloche sonne. Mais non, Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells. Je connais pas bien la suite. Par contre, en français, c'est Vive le vent. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Henri Salvador. Exactement, la voix de Jazzy d'Henri Salvador. Quel nom porte le dieu hindou représenté par quatre bras? Ce n'est pas Krishna, c'est Shiva. C'est loupé. Marlène, vous ne vous êtes pas loupé. Vous avez donné des réponses. Oui, certes. Oui. Pas assez pour repartir avec le séjour à Disneyland Paris. 5 bonnes réponses, c'est insuffisant. Mais on vous offre avec grand plaisir une montre RTL. D'accord, Marlène? Merci. Et ben de rien, on vous embrasse. Bisous. Merci. À vos deux enfants et la joyeux Noël encore. Bonne nouvelle. Joyeux Noël. La bonne nouvelle, elle est pour Christophe ce matin. Christophe qui a joué avec nous il y a quelques minutes. Christophe? Oui. Eh bien, je vous l'annonce et c'est officiel. Le séjour à Disneyland Paris est pour vous. Bravo, Christophe. Félicitations. Ouais, merci. Vous allez passer deux jours de rêve avec des entrées illimitées pour les deux parcs Disneyland Paris Walt Disney Studios. Vous serez logé pour une nuit à l'hôtel Sequoia Lodge en pension complète et vous profiterez ainsi du festival Pirates et Princesses. Oh, yes. Merci beaucoup Bruno, merci Caroline, un joyeux Noël à tout le monde. Merci beaucoup. Aux auditeurs, je suis ravi. Ça et fait là, vous savez quoi, je ne suis pas retourné à Euro Disney et ça va être un kiff. Oui. Ah oui, alors ça fait longtemps effectivement parce que ça ne s'appelle plus Euro Disney, ça s'appelle Disneyland Paris. Christophe, on vous embrasse, bon séjour chez Mickey. Merci, à et bientôt. Joyeux Noël à vous et joyeux Noël à tous les auditeurs d'RTL. Merci d'être avec nous en ce 25 décembre. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne matinée sur RTL. Le tirage du grand loto de Noël, c'est ce soir. Rendez-vous dans votre point de vente habituel ou sur fdj.fr pour tenter de gagner le jackpot exceptionnel de 15 millions d'euros à partager au rang 1. Le grand loto de Noël, c'est aussi 100 codes gagnants à 20 000 euros tirés au sort. Voir règlement, jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RTL, il est 10h. Le flash avec Alexandre de Saint-Aignan. Le bilan vient de s'alourdir 4 jours après le tsunami en Indonésie. Les autorités évoquent désormais un bilan de 429 morts, 154 disparus et près de 1500 blessés. Les secouristes s'efforcent d'apporter de l'aide aux populations réfugiées dans des centres d'urgence. Le manque d'eau potable et de médicaments se fait cruellement ressentir. Le pape François va s'adresser à la ville et au monde tout à l'heure dans sa célèbre bénédiction de Noël, Urbi et Orbi, lancée depuis la place Saint-Pierre à Rome. Le souverain pontife qui célébrait une messe de minuit hier soir. Dans son homélie, il a appelé les fidèles catholiques à laisser de côté leur voracité consumériste, je cite, pour réfléchir au sens spirituel de leur vie et au partage avec les plus humbles. La France doit-elle maintenir sa présence militaire en Syrie pour protéger la milice kurde, membre de la coalition occidentale en première ligne face à Daesh ? Ce ne serait pas bénéfique, affirme ce matin le chef de la diplomatie turque, Ankara, qui a toujours considéré les Kurdes comme étant des terroristes. Le président turc Erdogan invite Donald Trump à venir en Turquie, alors que les États-Unis resserrent leurs liens avec Ankara afin de coordonner le retrait des troupes militaires américaines en Syrie. Rien n'est programmé selon la Maison Blanche au sujet de cette visite en Turquie, mais le président américain est ouvert à une rencontre potentielle à l'avenir. Toujours aux États-Unis, l'acteur américain Kevin Spacey va être formellement inculpé début janvier pour l'agression sexuelle d'un adolescent. Plusieurs hommes l'accusent de faits similaires. L'annonce de son inculpation prochaine intervient alors que l'acteur vient de mettre en ligne une vidéo sur YouTube où il reprend son rôle de président criminel dans la série House of Cards. Kevin Spacey qui tente apparemment de se défendre d'une façon surprenante et glaçante. Au Japon, la justice vient d'autoriser la libération de l'américain Greg Kelly, considéré comme le bras droit de Carlos Ghosn. Il avait été arrêté en même temps que le patron de Renault, accusé de l'avoir aidé à dissimuler une partie de ses revenus aux autorités boursières. Carlos Ghosn, lui, reste en prison puisque sa garde à vue a été prolongée au moins jusqu'au 1er janvier avec des nouvelles accusations, cette fois pour abus de confiance. La météo calme mais encore bien gris en ce mardi 25 décembre. Brouillard fréquent sur la façade atlantique avec parfois un petit peu de crachin. Les nuages vont dominer sur l'ensemble du territoire avec quand même quelques éclaircies sur le nord et sur l'est. Et puis du soleil toujours dans le sud-est du pays malgré quelques passages nuageux sur la côte et le relief. Les températures, ça se rafraîchit cet après-midi. Il fera seulement 2 degrés à Amiens, 5 à Paris, 6 degrés à Bourges, 9 à Cherbourg, 13 degrés à Perpignan, 14 à Marseille et à Ajaccio. Les chevaux courent à Vincennes cet après-midi. Attention, il y a un non partant, c'est l'As. Voici les pronostics de Bernard Glass pour le Quintet. Il vous conseille de miser sur le 8, le 15, le 4, le 10, le 17, le 16, le 13, le 14 et la dernière minute, c'est le numéro 4, candidat d'Ortige. Il est 10h03 sur RTL. Joyeux Noël, Bruno, Caroline, c'est la suite du grand quiz de Noël. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et bonne matinée avec RTL. C'est le grand quiz de Noël sur RTL. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Joyeux Noël à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Caroline Diamant Rantaine. C'est vrai que Noël, c'est l'occasion de réécouter des titres. Des tubes. Qu'on écoute quasiment qu'à Noël. Exactement. Eh bien, ça fait plaisir. Je ne m'en lasse pas. Je suis d'accord avec vous. Caroline, Oui, vous bonjour, avez c'est moi. La possibilité, oui, je sais, une nouvelle fois durant cette heure de vous transformer en Mère Noël, puisque vous le savez, Caroline a à côté d'elle des enveloppes numérotées avec à l'intérieur des gros cadeaux. Dans ces cadeaux, il y a par exemple des MacBooks, il y a des PlayStation 4, oui. Il y a des smartphones, voilà. Tout ça, vous pouvez le gagner si vous cumulez 10 bonnes réponses d'affilée. Mais il y a surtout, là tout de suite maintenant, un nouveau séjour à Disneyland Paris à vous offrir. Est-ce que vous êtes plutôt princesse ou pirate ? Est-ce que vous allez plonger au cœur d'un conte de fées ou aux côtés de légendaires princesses Disney ? Ou est-ce que vous allez lever les voiles pour un voyage intrépide en mer ? RTL vous invite à choisir entre conte de fées enchanté ou aventure de pirate, épée aux couronnes, boulet de canon ou robe de bal. Vous allez vivre une expérience féerique à Disneyland Paris. Et figurez-vous que vous allez passer carrément 2 jours de rêve avec des entrées illimitées. Pour les deux parcs Disneyland Paris, mais aussi Walt Disney Studios, vous serez logé pour une nuit à l'hôtel Sequoia Lodge et ce sera en pension complète. Christophe a gagné tout à l'heure avec ses 8 bonnes réponses. Nous sommes partis pour une nouvelle heure jusqu'à 11h du matin pour vous accompagner pour cette journée de Noël. Je vous imagine déjà en train d'ouvrir vos cadeaux au pied du sapin. Ces images magiques avec le feu dans la cheminée qui crépite. Et si vous n'avez pas ces images-là, eh bien nous allons vous faire des images de Noël. On va vous le peindre, nous, votre Noël. Et même si vous êtes en solo. Et on va peindre cette toile de Noël avec Ludivine qui vient nous rejoindre. Bonjour Ludivine. Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour Ludivine, joyeux Noël et bienvenue sur RTL. Merci à vous aussi. Joyeux Noël. Joyeux Noël, merci Ludivine, beaucoup. Vous faites un métier que j'adore, même si je ne sais pas faire un quart de ce que vous devez savoir faire. Vous êtes boulangère. Un huitième, hein, même. Un huitième, même un centième, même un millième. Non, moi, je saurais. Je vais vous dire ce que je saurais faire. C'est mon mari, quand même. Hein. C'est vrai ? Ah, c'est honnête. Oui, oui, oui. Oui. Dites-moi. Moi, je le vends, je l'aide. Vous avez vendu beaucoup de dindes de. Non, mais plus de. Non, quand on non alors les dindes non. Dans les boulangeries, peu. Vraiment. Oui, non. On s'est dit, au départ, on mettait les dindes dans les boulangeries, dans les boucheries, on vendait des boulons, dans une droguerie, on vendait du poisson. Ma langue a ripé, nous sommes le lendemain de Noël. Les gens se sont dit, et si on faisait de la boulange dans une boulangerie ? C'est pas idiot ! Voilà. C'est pas idiot. C'est plutôt sucré, alors. Alors, les bûches de Noël, vous en avez fait beaucoup, j'imagine ? Oui. Est-ce que vous avez une spécialité, une bûche de Noël spéciale ? Alors, tous les ans, on sort une ou deux nouveautés en bûche, et donc cette année-là, on a fait une douceur de pomme. Oui. Avec une façon tatin, en pomme tatin, caramélisée et une mousse pomme avec un petit croustillant. Oh, j'adore. Eh bien, vous savez entre quoi autres. On va venir la chercher à Fleury-sur-Andelle, la bûche, je avec peux plaisir. Vous dire. Parce que vous m'avez mis l'eau à la bouche. Je suis d'accord. Moi je veux, vous m'avez tellement mis l'eau à la bouche que je veux bien savoir quelle est la deuxième spécialité que vous avez créée. Bah, surtout, elle vous a tellement mis l'eau à la bouche que vous êtes en train de baver, hein, Caroline. C'est très gênant. Ah bah, elle va être à base de myrtille, la seconde. Ah, je vais prendre une option sur la seconde. Un beau biscuit. Alors, d'accord. On le dit pour les fruits rouges, alors. Très bien, parfait. Ben, vous nous en mettez une de côté, une de chaque. Oui, hein, pour Bruno et pour moi. Pour moi, ben, j'ai pas très faim, donc une pour 8 personnes. Très bien. Oui, ça devrait aller. Bon, et si on mettait un peu de musique pour Ludivine ? Mais oui, je vois que vous aimez, entre autres, cet artiste soprano. Donc je roule. Et on en met même un petit autre. Nouvel album de Soprano, sorti il y a de cela quelques semaines, qui caracole en tête des classements français. Soprano que j'embrasse. Bon, Ludivine. Oui. Moi aussi, hein, même si je ne le connais pas. Oui, tu l'embrasses aussi. Vous avez le droit, bien sûr. Ben voilà, ben j'embrasse Soprano. Sauf que moi, je le connais. Il mérite un joyeux Noël aussi. Hein. Joyeux Noël Soprano, évidemment. On y va pour les questions, Ludivine. C'est vous qui allez établir le score à battre avant 11h du matin. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Top chrono, c'est parti. Quelle marque de boisson donne aux enfants l'impression de boire du champagne ? Champomy. À la maison, quel objet est familièrement appelé la zapette ? La télécommande. Comment s'appelle l'actuel Premier ministre canadien né un 25 décembre ? Passe. De quelle célèbre marionnette lyonnaise Niafron est-il complice ? Passe. Quelle préparation grecque à base d'œufs, de poissons, se déguste généralement sur des blinis ? Tamara. Quel nom porte une bague gravée d'armoirie ou d'initiales ? Une chevalière. Quel chanteur d'origine irlandaise interprète le titre Shape of You ? Pass. Quel appareil est utilisé pour projeter de la neige artificielle sur les pistes de ski ? Un canon à neige. Comment se prénomme la petite sœur actrice d'Alexandra Lamy ? Audrey. Dans quelle série américaine peut-on suivre le personnage de Jon Snow ? Pass. Comment qualifie-t-on un buffet composé essentiellement de charcuterie ? Un buffet froid. Et un buffet campagnard. Voilà, oui. Bon. Nous attendions le buffet campagnard. On va revenir, si vous le voulez bien. En fait, je peux vous avouer quelque chose. Là, tout à l'heure, on parlait de bûches. Là, on est en train de parler de charcuterie. Moi aussi. J'ai encore le réveillon d'hier. Et je ne vous cache pas que si on pouvait éviter là, jusqu'à... Allez, vous savez quoi ? On va laisser l'antenne tout à l'heure à 11h sur RTL. Si on pouvait éviter de me reparler de nourriture avant midi, midi et quart, moi, je ne vous cache pas que... Ah bon ? Moi, j'ai oublié, hein, c'était hier. Hein. J'irai pas m'en plaindre. Allez, on revient sur vos réponses, si vous le voulez bien, Ludivine, avec Caroline. Oui, et avant de vous donner vos réponse, je vais vous demander de me répondre à nouveau. Quelle préparation grecque à base d'œufs de poisson se déguste généralement sur des blinis ? Du tarama. Voilà. Voilà, parce que je me suis douté que vous aviez la réponse, mais comme vous avez interverti deux syllabes et que vous avez répondu tamara et que c'est un film, oui. Ça se digère moins bien. Voilà. On va revenir désormais sur vos réponses. L'actuel Premier ministre canadien, qui est né un 25 décembre, c'est Justin Trudeau, et je crois que son physique très aguicheur a fait beaucoup pour sa notoriété. La célèbre marionnette lyonnaise Niafron est le complice de Guignol. C'est Guignol avec son chapeau noir, ses gros sourcils. Ah, revenez pas, non. J'ai très peur, notre réalisateur est très très enjoué sur cette chanson. Le chanteur d'origine irlandaise qui interprète le titre Shape of You, c'est Ed Sheeran. I'm in love with your body. L'enchaînement peut se faire avec votre question numéro 10, si je puis me permettre, chère Caroline. Et il a joué dedans. Exactement. Parce qu'effectivement, la série américaine dans laquelle on peut suivre le personnage de Jon Snow, c'est Game of Thrones. Et il fait un caméo, une petite apparition, Ed Sheeran, dans Game of Thrones. Moi aussi, je fais une apparition, mais qui a été coupée au montage. Hélas, pour eux, d'ailleurs. Ouais, ils s'en plaignent. Enfin, non, je crois pas. Bon, alors, combien de bonnes réponses, chère Ludivine ? Et donc le score à battre avant 11h du matin, c'est 6 bonnes réponses, c'est pas mal, c'est une belle moyenne. Ah, bon. Est-ce que ce sera suffisant pour le séjour à Disney ? On verra ça tout à l'heure, juste avant 11h. Oui. Là en tout cas, je vous envoie une montre RTL de Noël. Vous allez m'en dire des nouvelles, chère Ludivine. D'accord. Vous allez surtout beaucoup dire l'heure. Oui, c'est vrai. On vous embrasse. À nous aussi. Plein de bisous et peut-être à tout à l'heure, Ludivine. Oui, d'accord, merci. Everybody's in a hurry, in a flurry, shopping till they're dropping in the snow. Kids are crying, dogs are barking, catching up with folks we barely know. Sure, it's madness, but it's magic, as soon as you hang up the mistletoe. 'Cause you're the reason for the season, but we don't need to keep up with the Joneses. A cozy little Christmas here with you. So Mr. Santa, take the day off. Take the day off. Get a massage. 'Cause we got this one all under control. A little whiskey. A little whiskey. We're getting frisky. Ooh. And so dancing to Nat King Cole. No, we ain't stressing. Just caressing. Mm-hmm. Warming up our popsicle toes. Nothing. Nothing's missing. Nothing's missing. Cause you're a blessing. Yeah, you're the only one I'm wishing for. Our love is something priceless. I don't need diamonds, no sparkly things. Cause you can't buy this feeling. Nothing lights my fire or wraps me up, baby, like you do. Just want a cozy, a cozy little Christmas here with you. I don't need anything. Take back all the Cartier and the Tiffany's and the Chanel. Well, can I keep that Chanel, please? No, no, no, no. Cozy little Christmas here with you. Cozy Little Christmas, c'est le nouveau Katy Perry. Autour du sapin, évidemment, en rapport avec Noël. Katy Perry sur RTL. A cozy little Christmas here with you. Bonjour, c'est Thomas Hugues. Tradition oblige, les fêtes de fin d'année sont l'occasion de prendre de bonnes résolutions et je serais curieux de connaître les vôtres, tiens. Parce qu'il ne faut jamais laisser un proche qui a trop bu reprendre le volant. Moi, j'ai toujours une chambre d'amis ou un canapé-lit à disposition et s'il faut confisquer les clés de voiture, pas d'hésitation. Pourquoi ? Parce que la nuit, un accident mortel sur deux est causé par l'alcool. Alors ne laissez pas quelqu'un qui a bu reprendre la route. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Sécurité routière. Tous responsables. RTL Petit Matin. Bonjour, c'est Stéphanie Loire. Cette semaine, dès 5h, nous allons partager vos réveils ensemble. On va jouer, s'informer, se marrer bien sûr, et puis évoquer tout ce qui nous attend en 2019. Cette émission, c'est vous qui l'a faite. Et à l'occasion de la sortie au cinéma de Mia et le Lion Blanc, je vous offre un voyage pour deux personnes en Afrique du Sud avec Thomas Cook et Air France. Stéphanie Loire, RTL Petit Matin. Alors à demain, 5h sur RTL. Le grand quiz de Noël sur RTL, Bruno Guillon, Caroline Diamant. Ludivine, 6 bonnes réponses il y a de cela quelques minutes. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour Christophe, joyeux Noël, bienvenue sur RTL. Merci, bien, merci. Ça rime RTL et Noël. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors que pour la Saint-Sylvestre, du coup, c'est plus ennuyeux. Ouais. Christophe, joyeux Noël également. Petit... Merci Bruno également, à toi aussi. Eh ben c'est gentil, petit réveillon en famille hier soir. Ah oui, avec justement j'ai une petite pensée pour toi aujourd'hui parce que j'étais du côté de la Benatte et puis j'étais chez mes cousins qui habitent une maison que tes grands-parents occupaient. Ah non. Ben oui, je suis originaire de l'Amnate en Charente-Maritime. Ah, j'ai compris, la Benatte. Non, la Benatte, voilà. Mon grand-père était maréchal ferrant à la Benatte. Vous savez maréchal ferrant, c'est les chevaux. Exactement, oui, ils font ça en général. Oui. Vous allez me donner la larme à l'œil, Christophe. J'ai des images de Noël en famille là qui me reviennent. Oh là là. J'étais pas préparé psychologiquement. Ah, c'était un super petit village et très très sympa, ouais. Ouais, non, c'est très sympa. Bon, Christophe. Je vais reprendre mes esprits et je vais vous passer du Vianney, puisque vous êtes fan de Vianney et c'est là aussi un plaisir que l'on partage. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Sûrement l'un des êtres les plus délicieux que nous a apporté la chanson française ces dernières années. Compositeur de génie, écrivain de génie, comédien de génie, il a vraiment tout pour lui. De l'humour. Et c'est quelqu'un d'extrêmement drôle. L'intelligence. Ouais, vraiment. Je refais vous parlez un appel. De moi ou de Vianney là, alors, vraiment, c'était tentant de parler de vous, mais vous savez que c'est une journée où on ne ment pas, je parlais de Vianney. Je vais vous raconter une anecdote, Christophe. J'ai eu la chance d'être invité pour aller assister à un match de la Coupe du Monde de football cet été en Russie. Et Dieu sait qu'on en a entendu parler. Et j'étais accompagné de Vianney et de quelques camarades, et nous avons joué avec Vianney à un jeu qui s'appelle le jeu du loup-garou. Et ce garçon est extraordinaire. Il est tellement extraordinaire que, à notre retour à l'aéroport, 2 heures après que nous nous soyons quittés, nous avions tous sur nos téléphones portables une chanson de 3 minutes qu'il avait composé, orchestré, c'est-à-dire à la guitare, et qui racontait les 24 heures qu'on avait passées ensemble, non, avec une mélodie génialissime. Je vous jure que c'est vrai. Ah. Et il avait écrit ça en l'espace de 2 heures. Mais cela dit, vous pouvez écouter la chanson qu'il a écrite après notre nuit d'amour, elle est très belle aussi. Ouais, c'était ça. Et il avait prêté ses paroles. C'est vous qui disiez ça en rentrant dans la chambre. C'est pour ça qu'elle était bien. Allez Christophe, c'est Caroline qui va vous poser les questions. D'accord. 6 bonnes réponses, c'est donc le score à atteindre ou à battre, hein, ce serait même mieux, comme ça, ça vous mettrait vraiment en tête pour le séjour à Disneyland Paris. Si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, on ouvre une des lettres du Père Noël, j'aimerais bien moi. Maman Noël a les lettres là, j'aimerais beaucoup. Est-ce que vous êtes prêt Christophe ? Je suis prêt. Top chrono, c'est parti. Au ski, quelle récompense suit directement le flocon ? L'étoile. Comment appelle-t-on le couvercle bombé qui protège un plateau de fromage ? Une cloche. Selon les paroles d'une chanson de Jacques Dutronc, comment s'appelle la fille du Père Noël ? Je passe. Quel titre honorifique désigne l'abréviation SAS ? Je passe. Quel vêtement a fait l'objet d'un sketch culte de Danny Boone ? Non, je passe. Quelle spécialité alsacienne en forme de nœud se déguste en apéritif ? Une famille cache. Au cirque, comment appelle-t-on le régisseur de piste qui annonce les numéros ? Je passe. De quel groupe de rock le film Bohemian Rhapsody retrace-t-il le parcours ? Je passe. En radio, que signifie la lettre F dans le sigle FM ? Eh bien, je passe. Dans quelle langue les frères Grimm ont-ils rédigé leur conte ? Bon, c'est en dehors du gong, là. Oui, mais je... Je laisse répondre quand même. Bon. Mais comme vous voulez. J'aurais peut-être fait au moins la série des 10 mauvaises réponses, non ? Non, mais il n'y a pas de cadeau hein, pour la série vous des 10 mauvaises réponses. Ça, toujours de tout. C'était de l'allemand pour les frères Grimm. On va revenir sur vos réponses et je vous rassure, vous n'êtes pas Fanny, cher Christophe. On va revenir juste après ça. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle, oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle? Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir, pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit goût de gnole. Les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre, vue sur les monétières. C'est pire qu'un testament, au-delà d'une confidence. On est des petits enfants de ce joli coin de France. Enterrez-nous vivants, Bayonne s'il le faut. Mais prenez soin avant de remplir notre jabot. La relève est pour toi, notre petit Lucas. On te laisse en héritage la piste, nous on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête. Acceptez ma rengaine, elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Papa, y'a papa, papa. Papa, papa, papa. Papa, y'a papa, papa. Papa, y'a papa. Papa, y'a papa. Papa, y'a papa. Papa, y'a papa. Papa, y'a papa. Papa, y'a papa. Papa, y'a papa. je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, sers-nous à boire, on a les yeux qui brillent. À nos souvenirs, trois cafés gourmands sur RTL. Écoutez, vous êtes bien sur RTL. RTL, première radio de France. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, vous êtes prêt à partir ? Avec toi ? Jamais ! Parce que là, il y a 5 croisières de rêve à gagner. C'est le grand jeu de luxe ? Ah oui, et jusqu'au 30 décembre, dès l'achat d'un produit de luxe, ils font gagner plein de cadeaux, 1000 cadeaux au total. Mais c'est Noël avant Noël ! Et Noël rime avec Lidl, patron. Chaque semaine, ils mettent en jeu une croisière MSC, des smartphones, des séjours à Port-Aventura, des robots Monsieur Cuisine, des Wonderbox et des bons d'achat. Trop tentant, non ? Mais toi, tentant, t'es pas un cadeau. Pas gentil, patron. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Règlement et participation sur Lidl.fr. Le grand jeu RTL de Noël. Jusqu'au 25 décembre, une avalanche de cadeaux déferle sur RTL. À gagner, des MacBook, des iPhone 10, des PlayStation PS4, des iPads, des téléviseurs 4K et des voyages de rêve avec Salah Holidays, le spécialiste des circuits accompagnés à travers le monde. Pour jouer, inscrivez-vous dès maintenant au 3210. Prochain rendez-vous pour le grand jeu RTL de Noël, tout à l'heure, dans les grosses têtes de Laurent Ruquier. 50 centimes la minute. C'est le grand quiz de Noël. Caroline Diamant, Bruno Guillon. Sur RTL, sur RTL. Et Christophe qui a joué avec nous il y a de cela quelques secondes. Christophe ! Oui. Est-ce que vous le sentez, cet esprit de Noël ? Regardez. Oui, j'ai essayé de jouer. Oui, mais regardez, l'esprit de Noël fait que, à la première question, à ski, quelle récompense eut directement le flocon ? Vous avez dit l'étoile. J'attendais oui. La première étoile. La mère Foura. Attendez, première étoile. Mais comme vous avez dit étoile, eh bien vous savez quoi ? Je vous le compte, je vous prends ce point. C'est gentil. Mais il n'y a pas de souci. Comment appelle-t-on le couvercle bombé qui protège le plateau de fromage ? Oui, c'est la cloche. C'est une bonne réponse. Maintenant, pour la suite, je vous cache pas que... Ça se complique. On est un petit peu au régime sec, ce qui, après les excès d'hier soir, n'est peut-être pas un mal. Les paroles de la chanson de Jacques Dutronc, comment s'appelle la fille du Père Noël ? C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais Jean-Balthazar. Elle s'appelait Marie Noël. S.A.S., cela veut dire Son Altesse Sérénissime. Danny Boone a rendu le Kawé culte dans un de ses sketchs. J'en ai eu marre, tu sais. J'ai voulu avoir la classe, la grande classe en Kawé. Je l'ai repassé. Ça se repasse pas, ça fond. Et puis c'est affaire à repasser par Kawé repassé, hein. Quelle spécialité alsacienne en forme de nœud se déguste en apéritif ? Alors oui, on peut déguster de la flammekuche en apéritif. La flammekuche, c'est un peu, j'irais une sorte de petite galette. Là, voilà, mi-chemin entre la crêpe et la tarte fine. Mais moi, j'attendais le bretzel. Ah oui. Et la flammekuche, c'est rarement en forme de nœud, si je puis me permettre. Bon, après, si on veut lui faire une forme de nœud à la flammekuche, on peut le faire. Ce sont des bricoleurs. Ah bah oui. Au cirque, comment appelle-t-on le régisseur de piste qui annonce les numéros ? Mesdames et messieurs, Caroline Diamant qui va rentrer tout de suite sous vos applaudissements. Elle jongle avec des cerceaux, mais également avec des boules de bowling et les micros. C'est Monsieur Loyal. Cela dit, vous auriez pu faire la femme à barbe, peut-être plus. Enfin, Bruno, comment vous me parlez ? Mais je rigole. J'ai toujours le menton glabre, contrairement à vous. De quel groupe de rock le film Bohemian Rhapsody retrace-t-il le parcours ? Ben oui, c'est Queen. Ben évidemment. Ben oui. Magnifique film et extraordinaire Freddie Mercury. En radio, que signifie la lettre F dans le signe FM ? J'avais cru S, moi. C'est fréquence. C'est fréquence, exactement. Ah oui, j'ai entendu S. Ah oui, d'accord. Oui, SM, oui, c'est radio, Sadomaso. Et c'est vrai qu'il y en a en radio quelques-uns, dont je tairai le nom, mais c'était pas ce qu'on attendait. Bon, allez, cher Christophe, en un mot comme un seul, non, j'allais dire en deux mots comme un seul, vous avez deux réponses. Ce sera insuffisant pour le séjour à Disneyland Paris, mais on va vous envoyer une montre RTL. D'accord ? Eh bien, c'est très gentil, c'est très gentil. Et merci pour cette petite carte postale de ce village de mon enfance, ça m'a fait bien plaisir. Belle ouais. journée, Christophe, joyeux Noël. À bientôt, au revoir. À bientôt, profitez bien. J'ai quelques mots. Des mots simples à te dire, on les entend souvent dans les films, chez les gens. J'ai déjà dit ces mots simples en y croyant ou en feinte, la première fois enfant, à moi-même de temps en temps. Je voudrais que tout soupir disparaisse dans ce vent, que l'hiver soit aux amants. Je voudrais, pour dire ces mots, avoir inventé ces mots, qu'on ne les dise chaque fois en ne pensant qu'à toi. Pour d'autres, un peu tremblant, ces mots simples qui font frémir et certains autres mourir. Je te les donne à présent, c'est mon cœur, c'est mon sang. L'album de Vanessa Paradis s'appelle Les Sources. C'est le premier extrait. À l'instant, c'est mots simples sur RTL. 11h-12h30. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. C'est Noël dans À la bonne heure. Nous avons réuni tous les chroniqueurs de l'émission. Des jeux, des objets, de la généalogie, des chroniques, un pop quiz, des cadeaux. Bref, c'est jour de fête dans À la bonne heure. Et à la bonne heure, c'est 11h sur RTL. À tout à l'heure. Caroline Diamant, Bruno Guillon, c'est le grand quiz de Noël sur RTL. Le grand quiz de Noël sur RTL, c'est toute cette semaine. Voilà, ça a commencé hier et ça va durer jusqu'à vendredi. Bravo, vous oui. savez compter, ça Je me fait vous remercie. Plaisir. Alors donc, grand quiz de Noël, il y a du quiz, il y a du Noël. Il y a du Maria Carré. Il y a du Maria Carré, bien sûr. Et puis il y a également du David. Bonjour Bruno, bonjour Caroline. Bonjour, bonjour David, bienvenue sur RTL et surtout, joyeux Bravo. Noël. Merci à vous deux, joyeux Noël aussi. Enfin, de Fanel pour vous. Merci. Alors, c'est assez émouvant de vous avoir comme ça. Parce que c'était pas à moi de tenir le téléphone au choubi. C'était à qui? C'était la femme, en fait. Oui. La femme, en fait, qui devait faire le jeu. Et puis, elle n'a pas pu assurer le rendez-vous. Et du coup, c'est moi qui a pris le relais. Eh ben, vous savez quoi? J'espère que vous allez tenir ce relais fermement. Oui, parce que sinon, votre 31 décembre risque d'être un peu difficile. Si pour vous gagner pas. Un séjour à c'est Disneyland clair. Paris. Mais oui, bien sûr. Et vous aurez le droit d'essayer d'être une fée ou une princesse. Mais en tout cas, vous aurez deux jours de rêve avec des entrées illimitées illimité pour les deux parcs Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Vous serez logé pour une nuit à l'hôtel Sequoia Lodge en pension complète. Et vous profiterez du festival Pirates et Princesses. Alors vous avez deux princesses. Comment s'appellent-elles ? Alors Clémence, qui a 17 ans. D'accord. Et Mathilde, qui en a 10. Très joli prénom, surtout Mathilde qui est mon deuxième prénom. Voilà. Mais Clémence, c'est très joli aussi. Et vous allez jouer pour elle, j'imagine. Ouais. Très impatiente. Pour vous détendre, puisque c'est votre épouse qui devait jouer, on va vous mettre un tout petit peu d'extrait de musique d'artiste que vous aimez. Vous aimez Ben Harper. I can change the world with my très bon choix. Très bel homme. Oui, enfin, je... Oui, ah non, mais bon. Très bel artiste. Très bel artiste. Oui, voilà, très bel artiste. Vous aimez aussi Eric Clapton. Très bon choix. Ouais. Très bel homme. Ça va vous sinon en ce moment, Caroline? Vous aimez ça aussi Calvin Russell. Très bel homme. Très bon choix. Très bel homme. Je vous attache au sapin, moi. Vous me faites peur. Non, mais ce sont des très bons choix musicaux. Calvin Russell. Ouais. Trois artistes que j'écoute beaucoup, effectivement. Eh bien, écoutez, vous avez bon goût. C'est déjà une bonne chose, mais ce ne sera pas suffisant pour gagner le séjour. Pour gagner le séjour, je vais vous laisser en tête à tête avec Bruno Guillon. Il va vous poser des questions. Sachez que le score à battre avant 11h, c'est 6 bonnes réponses. Je vous les souhaite. Au minimum 6. Et si c'est 7, eh bien, écoutez, ce sera encore mieux. Est-ce que vous êtes prêt, cher David ? Je suis prêt. Top chrono, c'est parti. D'après la chanson de Tino Rossi, d'où le Père Noël descendra-t-il avec des jouets par milliers? Si vous savez pas, vous passez. Quel animal fourre-t-on traditionnellement à Noël? Une dinde. Quelle chanteuse nous a fait chanter et danser avec le tube « Dieu m'a donné la foi » Je passe. Comment appelle-t-on l'appareil dédié à compter nos pas? Podomètre. Quelle ville thermale française est aussi un motif vestimentaire cher à Brigitte Bardot? Comment s'appelle la petite sirène dans le dessin animé? Sirène. Que déguste-t-on quand on mange des demoiselles de Cherbourg? Je passe. Dans l'émission Bonne nuit les petits, de quel instrument jouait le marchand de sable? Une guitare. Non, il jouait de la flûte. Ah merde. Oui. Pardon. Je vous laisse. On va revenir sur vos réponses, cher David, avec Caroline. La chanson de Tino Rossi, que beaucoup d'entre nous et d'entre vous ont dû écouter. D'où le Père Noël descendra-t-il avec des jouets par milliers, mais il descendra du ciel. Ben oui. David, c'est quoi ce blocage? Mais il y a eu il y a eu trois trous, c'est abominable en fait. Il y a eu un bug de Noël. Complètement. J'ai joué par milliers. Complètement. Alors, on arrête parce que ça me donne vite le cafard, en revanche, ce titre. Quelle chanteuse nous a fait danser avec le tube « Dieu me donnait la foi » Mais c'est je le sais, hein, parce que je voyais la tête de la chanteuse, là. Oui, la tête. Eh bien, oui, bien sûr. Oui, la tête, ouais, c'est une grande blonde, ouais, effectivement. Mais exactement, je vois pas c'est Ophélie Winter. Ça marchait aussi en vérification pour la question d'avant. Si les gens ont suivi, hop, on enchaîne. C'est Noël. Comment s'appelle la petite sirène dans le dessin animé? Alors là, Clémence, ma fille, va m'en vouloir à mort. Bah oui, elle va vous en vouloir parce qu'elle s'appelle Ariel. Ariel, elle va m'en vouloir. Ah ouais, en plus, c'est un dessin animé qu'elle a regardé, mais en boucle. Que déguste-t-on quand on mange des demoiselles de Cherbourg? Alors, je l'ignorais, je ne vous cache pas. Ah, je ne savais pas. Eh bien, je sais, puisque vous avez passé. Eh bien, ce sont des homards. Je le sais, parce que maintenant, la réponse est écrite sous les yeux. Et c'est cuit au court bouillon. Exactement. des demoiselles de Cherbourg. Bon, David, trois bonnes réponses. C'est insuffisant, hélas, pour le séjour à Disneyland Paris. Pour les enveloppes de la Mère Noël, je ne vous en parle même pas, mais vous gagnez une magnifique montre RTL. D'accord, David ? Et que je vous conseille d'offrir à votre chère et tendre épouse afin qu'elle n'ait pas de représailles envers vous. David, passez une belle journée de Noël. On vous embrasse. Merci, à vous de même. Vous aussi embrassez votre Clémence et votre Mathilde. Oui, je leur fais de plein de gros bisous à ma femme et à mes deux filles. Merci beaucoup. Joyeux Noël. C'est ainsi que les jours défilent. C'est ainsi que la vie s'en va. Plus de mots et plus de possibles. Plus de force dans les bras. Ni pour se prendre par la main. Ni pour se soulever du sol. Devenu trop lourd. Chagrin, c'est déjà la fin du chemin. Seul, définitivement, balayé par le vent, secoué en dedans, allongé sur un banc, définitivement, un peu calme, un peu blanc, encore un peu vivant, sans trop savoir. L'amour s'éteint, il brûle encore comme il demeure, brûle les lèvres et les mains, hier est encore aujourd'hui, il durera aussi demain, dans des regrets endoloris, dans le foulard des parfums. Seul, définitivement, balayé par le vent. C'est le troisième extrait de l'album de Marc, Je reviens à toi, actuellement en tournée avec RTL. Marc Lavoine à l'instant, et seul définitivement. Bonjour, c'est Louis Baudin. Quelle que soit la météo, je vous souhaite de très très bonnes fêtes, avec RTL bien sûr. Joyeuses fêtes sur RTL. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? T'es chez Lidl ? Ah oui, c'est les semaines de luxe ici. Et dès demain, les 12 noix de Saint-Jacques farcies au beurre à l'ail et au persil sont à 4,99€ les 150 grammes. Moins de 5€ les 12, encore un prix à la noix. Mais c'est le vrai prix. Et chez Lidl, 75% des références de poissons sauvages frais et surgelés sont labellisés MSC dans sa gamme permanente. Eh ben on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 33,27€ le kilo, produit transformé en France, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Supermarché ouvert ce dimanche 30 décembre. Plus d'informations et horaires sur Lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus. Bruno Guillon, Caroline Diamant, le grand quiz de Noël sur RTL. Grand quiz de Noël, un Noël qu'on vous souhaite excellent. Alors vous vous réveillez peut-être un peu tardivement, aujourd'hui vous profitez, c'est le jour de Noël. Peut-être que vous êtes en train d'ouvrir vos cadeaux, que vous vous préparez aussi pour le déjeuner de Noël. Il y a ça aussi, déjeuner de Noël en famille. Bien sûr. Et bien quoi qu'il arrive, voilà, c'est avec l'esprit de Noël qu'on va vous accompagner tout au long de cette journée sur RTL. Et puis je le disais tout à l'heure, mais je vais le redire parce que c'est important, je voudrais avoir une pensée pour tous ceux et toutes celles qui sont seuls en cette journée de Noël. Et bien sachez que on va mettre à cœur sur RTL tout au long de cette journée de faire en sorte que vous gommiez un peu cette solitude et que vous partagiez avec nous ce jour de fête, ce jour de Noël, notamment grâce aux différents cadeaux que vous allez pouvoir gagner tout au long de cette journée et grâce à ce séjour à Disneyland Paris qui va tomber là dans moins d'un quart d'heure peut-être pour Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour Bruno. Bonjour Jérémy, bienvenue sur RTL. Bonjour Caroline aussi. Hein. Jérémy, j'ai pas oublié. Oui, non, mais, non, mais je savais, je sentais que vous preniez un petit temps pour dire. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que quand j'ai dit bonjour, il se disait qui me parle. C'est Caroline ou Bruno, puisque c'est vrai qu'on a quasiment la même voix, Caroline. Non, c'est vrai, Jérémy. Vous me confondiez avec Bruno. Non, du tout, du tout. Non, d'accord. Mais avec Bouvard, il nous disait en antenne. Bon, Jérémy. C'est ça l'esprit de Noël pour vous, Bruno. C'est se moquer constamment. Je ne me moque de pas. De son acolyte préféré. Vous savez ce que disait Caton le Grand, Bene Hamad, Bene Castigat. Oui, oui, bah, qui aime bien. Castigat un peu moins. Châtie ok, bien. S'il te plaît. Jérémy, j'avais mis une musique évoquant la course, puisque je vois que vous faites 10 km de course à pied tous les deux jours. Comme moi. Ouais, c'est ça. Non, c'est toi. Oui, j'essaye. Bravo, donc vous avez une forme olympique. Bah oui, j'essaie de l'entretenir. C'est vrai. Après, je suis passionné de course à pied. Donc, on essaie de s'entretenir. C'est pas toujours évident, mais quand on a ça dans le sang. Ouais. Et qui vous l'a mis dans le sang? Parce que je cherche comment. Vous faire inoculer. Vous faire inoculer la course à pied. Mais vraiment, j'y arrive pas. Bon. Bah moi, c'est des amis en fait, parce que j'étais pas très sport en fait. C'est vrai que j'avais mon meilleur pote qui était très course à pied. Un jour, il m'a emmené. Je lui ai dit, je tiendrai pas 5 km, jamais de la vie. Après, bah, 3-4 mois après, je faisais des semi-marathons. Donc, suffit que quelqu'un qui arrive à vous trouver la motivation. Il faut être motivé. Caroline aussi avait eu une amie qui l'avait amenée faire la course à pied. Vous ne l'avez jamais revue, hein, je crois. D'ailleurs, vous ne vous parlez plus, vous êtes fâchée. Elle court toujours et moi, je cours vers le magasin où on achète les appareils à raclette. Bon, Jérémy, vous l'avez entendu peut-être. Nous avons eu au début de cette heure, c'est Ludivine. Nous avons eu Ludivine qui, pour l'instant, est en tête avec ses 6 bonnes réponses. Il faut d'accord. Donc que vous donniez 6 bonnes réponses au moins à Caroline sur le questionnaire que vous allez avoir maintenant si vous voulez être dans la course. Si d'aventure d'accord. Vous avez 7, alors là, je peux vous dire... C'est la teuf au village. Exactement. Et puis alors si vous avez 10 bonnes réponses d'affilée, alors vous là. Ouvrez une lettre de la Mère Noël, une enveloppe avec du cadeau à l'intérieur. Et ce n'est pas un message codé, ouvrir je une enveloppe de la Mère Noël. J'ai des vraies enveloppes, vous me donnerez un numéro et j'ouvrirai le numéro que vous me donnerez. Mais il faut pour cela enchaîner 10 bonnes réponses. Bruno, vous avez raison. Jérémy, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Top chrono, c'est parti. Dans quelle ville française se trouve le secrétariat du Père Noël? Je passe. Comment appelle-t-on couramment les œufs d'esturgeon? Des œufs de caille. Quelle fleur le petit prince arrose-t-il? Je passe. Avec quelle icône du cinéma français Jean Gabin partage-t-il l'affiche d'un singe en hiver? Ventura, Lino Ventura. Quel nom spécifique donne-t-on au poil du porc? Je passe. Dans quel sport les champions de France remportent-ils le bouclier de Brennus? Rugby. Sous quel nom connaît-on mieux Stéphanie Germanotta? Stéphanie Monaco. Quelle chaîne de montagne surplombe la ville de Lourdes? Les Pyrénées. De quel instrument le chanteur M joue-t-il principalement sur scène? De la guitare. Quels animaux sont Bernard et Bianca dans le dessin animé Disney? Des souris. C'est juste après le gong. Je regarde la mère Foura, ça. C'est la Noël. Foura, c'est Noël. La mère Foura, c'est Noël. Oui, parce que c'est arrivé. Mais vous avez eu des Noëls à une époque. À cette époque magique où vous vous appeliez la Goulue. Sur RTL avec Fabrice. Moi, je l'écoutais quand j'étais petit. Il y avait l'esprit de Noël quand même. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour être aussi méchante aujourd'hui? C'est le père Foura, pas de nouvelles. Bon, vous savez quoi? Je vous l'accepte. Ah. L'esprit de Noël chez Bruno. Et exactement. Est-ce que ce sera suffisant? Je ne sais pas. On va revenir sur vos réponses juste après ça. Bought me a a good old present for my baby and for me, y'all. Merry Christmas, baby. Shoot it, dream and die. Let the good old present belong out to paradise. Yeah, yeah. All right. Merry Christmas, baby. Shoot it, dream and die. Merry Christmas, baby! Otis Redding sur RTL. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et bonne matinée avec RTL. Just wanna cozy, a cozy little Christmas here with you. Chez Leclerc, nos forfaits mobiles s'appellent Réglo. Et c'est Réglo sur toute la ligne. Un nouveau forfait avec appel, SMS, MMS illimité et 40 gigas d'internet à 9,95€ par mois sans engagement, c'est Réglo. Et vous avez la possibilité de faire appel à un vrai service client en magasin. Alors soyons réglo. Mobile. Leclerc. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc et sur réglomobile.fr. Offre soumise à conditions, consultables sur le site. Parce que la foi est un trésor qui se partage. Parce que notre monde a tant besoin d'engagement, d'espérance, de fraternité. Parce que l'Église ne vit que des dons de ses fidèles, merci pour votre soutien à sa mission. Faites un don sur denier.catholique.fr. Vous bénéficierez d'une déduction fiscale de 66% du montant de votre don. Le passage au prélèvement à la source ne modifie en rien le montant de cette déduction. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec la première radio de France. RTL. Le grand quiz. C'est le grand quiz de Noël. Grand quiz de Noël avec Jérémy, dernier candidat de ce 25 décembre. Jérémy, nous revenons sur vos réponses. Est-ce que vous avez bien eu déjà, Jérémy, vos cadeaux au pied du sapin ce matin ? Oui. Bon. Comme j'ai été très sage, j'ai été très gâté. Alors, vous avez été très sage, mais enfin, vous avez de la chance parce que vous avez surtout pas envoyé la lettre au Père Noël au bon endroit. Vous m'avez passé la ville française où se trouve le secrétariat du Père Noël, c'est Libourne. Les petits lutins, ils sont à Libourne, ils ont répondu jusqu'à hier pour avoir, hop, les cadeaux de Noël dans les temps, bien sûr. Comment appelle-t-on couramment les œufs d'esturgeon ? Ma bonne dame, les esturgeons, c'est au fond de... L'eau. L'eau. Les cailles, quand vous dites les œufs de caille, c'est pas tout à fait au fond de l'eau. Enfin, si la caille est sous l'eau, c'est qu'elle est dans un mauvais état. En même temps, quand on a froid, on dit qu'on se caille. C'est vrai, mais on se dit pas on s'esturgeon. C'était les œufs d'esturgeon, le caviar. Oui. Ce sont les œufs d'esturgeon. Ça m'est venu après. Le petit prince, il arrose une rose. Je n'ai jamais lu Le Petit Prince. Eh bien, vous savez quoi ? Jetez un œil sur Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est multigénérationnel. Il n'y a même pas besoin d'avoir des enfants. C'est vrai, moi, j'aime pas du tout ce livre. C'est vrai ? Ouais. Je sais que c'est un chef-d'œuvre, mais j'aime pas du tout, mais voilà. Mais il n'y a pas de souci. Mais vous savez, quand vous apprendrez à lire, Caroline, vous aurez des trucs vraiment sympas. Hein. Ouvrez-vous un peu. Avec quelle icône du cinéma français Jean Gabin partage-t-il l'affiche d'un Saint-Jean-Hiver ? C'est pas du tout Lino Ventura. Mais non. On a la scène où on les voit tous les deux complètement bourrés. C'est Jean-Paul Belmondo. Gloire des fusillés marins d'Extrême-Orient. À Manolette, tu es à Linares par le taureau Islero. Et celui-là, je le bois à mon pote Gédéon, tombé dans le traquenard de Langson. À Roselito, le plus grand de tous. Il a un temps, messieurs. Si ça continue, vous allez vous saouler. Mais quand on est en perme, c'est pour ça. Allez, on rentre dans la caserne. extraordinaire scène de cinéma. Quel nom spécifique donne-t-on au poil du porc ? Ce sont les soies, on les utilise souvent pour la confection des pinceaux des artistes. Mais je ne savais pas du tout. Eh ben si. Pas qu'on n'en faisait pas des pinceaux, mais que ça s'appelait les soies. Ça s'appelle les soies. Chacun chez soi, on dit souvent d'ailleurs. Ouais. Et ça n'a rien à voir. Ça veut dire garde ton porc et les porcs seront bien gardés. C'est ça. Sous quel nom connaît-on mieux Stéphanie Germanotta ? À l'instar du sketch des inconnus, vous avez dit Stéphanie de Monaco ? Non, Stéphanie Germanotta, c'est elle. Gaga. Oui, là, ça va mieux avec l'indice musical. Lady Gaga. Et j'aimerais, après avoir salué la chanteuse, saluer l'actrice. Elle est juste exceptionnelle dans le film de Bradley Cooper, A Star is Born. Absolutely. Magnifique actrice. Et là aussi, bien sûr, elle chante et elle chante ce titre magique. Voix magnifique et je mets mon petit billet sur le fait qu'en 2019 elle reçoive une statuette ou un prix du genre pour sa prestation en tant qu'actrice. Il y a des chances. On en reparlera dans le grand quiz de l'été si d'aventure on est là, mais vu ce qu'on a fait hier et ce qui se passe depuis ce matin, ça me paraît pas gagné. Bon, et enfin, M joue oui de la guitare. On se fait un petit extrait de M. Pourquoi cocotte, je suis un machiste. Je sais qu'elle m'adore. Non, non, non, y'a pas de l'heure. Oh, machista d'or. Macho machista d'or. Bon, Jérémy, il fallait au moins 6 bonnes réponses. Vous en avez donné 4. Ouais, je savais que c'était trop peu. Ce sera insuffisant, c'est bien pour une montre RTL et on vous fait partir cette montre RTL dès demain. Le temps pour nous de vous souhaiter un joyeux Noël. Bah merci, c'est déjà un très beau cadeau supplémentaire en ce jour de Noël. Merci et à vous. À très bientôt. C'était un très bon moment. Et bravo embrasse. Jérémy. Enfin, bravo. Oui, félicitations d'avoir joué. Bon, musique. Eh oui, elle le sait. Ludivine. Ah oui, j'ai compté. Eh oui, vous avez compté. Ah, oh, c'est génial. Merci Bruno, merci Caro, super. Bon, alors Ludivine, eh ben ça y est, c'est acté. C'est pour c'est vous. C'est à vous. Séjour à Disneyland Paris, 2 jours de rêve avec des entrées illimitées pour les deux parcs, Disneyland Paris et Walt Disney Studios. Vous serez logé pour une nuit à l'hôtel Sequoia Lodge en pension complète et vous profiterez du festival Pirates des Princesses. Merci beaucoup, merci. Je suis bravo, avec ma fille à côté. Génial. Félicitations. C'est agréable d'offrir ces séjours, mais alors c'est encore plus agréable de les offrir le jour de Noël. Exactement. Ah bah oui, là c'est vraiment Noël. Hein. Joyeux Noël à vous, Ludivine. Merci beaucoup, Bruno. Je vous embrasse, je vous adore. Je vous suis depuis super longtemps. Je vous écoute tout le temps. C'est génial. Eh bien, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bon, on vous souhaite un joyeux Noël. Oui. On vous souhaite de profiter en ce 25 décembre de ceux que vous aimez. Voilà. Et si les gens que vous aimez sont de l'autre côté d'un écran de télé ou d'un micro de radio, eh bien, sachez qu'ils auront plaisir à vous accompagner tout au long de cette journée. À l'instar de Stéphane Bern et de toute sa bande d'À la bonne heure, c'est une spécial chroniqueur dans quelques minutes avec Régis Maillot, Éric Dussard, Patrice Carmouze, Laetitia Nallet, Marc Giraud, Cyprien Sini, Stéphane Rose et Marie-Odile Merniac. Encore un bon Noël, ma Caroline. Bon Noël, mon Bruno, et bon Noël à vous tous, chers auditeurs. C'était RTL. On vous retrouve demain. Que vous écoutez, rendez-vous demain à partir de 9h30. Il est 11h. Les infos.